troisième et dernière partie de cette émission avec la diffusion d'un concert qui a été enregistré le 28 septembre 1989 à l'ancienne laiterie de Strasbourg dans le cadre du festival Musica 89, un concert de John Zorn avec son groupe Naked City. John Zorn qui récemment donc joue avec une foule de musiciens et joue beaucoup en Europe. On le trouve aux côtés du trompettiste George Lewis, aux côtés du guitariste Bill Frisell, aux côtés de Fred Frith. Fred Frith qui était d'ailleurs là ce soir-là lors de ce concert donné à Strasbourg et qui, lors de ce concert baptisé Naked City, avait jouer des musiques, des standards, ce qu'il appelle des standards américains. En fait, c'est des standards assez larges. C'est à la fois de la musique de jazz ou bien encore des thèmes, ce qu'il aime beaucoup faire en concert et en arrangeant complètement et en transformant complètement le thème. Ce sont des thèmes très célèbres de séries de télévision américaines ou de films. Il y a par exemple Mission Impossible ou encore des musiques de Jerry Goldsmith, des musiques donc de John Barry pour le film James Bond. Voici un extrait, donc le début de ce concert de John Zorn avec Naked City, constitué donc John Zorn saxophone alto, Wayne Horvitz au clavier, Fred Frith à la basse, Bill Frisell à la guitare et Joey Barron à la batterie.